l'heure où dorment les fillettes, que les couleurs du jour se fanent, et que déjà sortent les dames, quand le silence d'une nuit sans lune s'installe et domine toute ma rue. Enfin je sors de ma tanière, trouver une belle fille sans manière, non. Avoir bien sûr un passager, rouler moins vite on ne peut pas. Fenêtre ouverte, bien la passe. Des femmes superbes, insoupçonnables, d'un tel labeur si peu enviable. Quand elles vous regardent dans les yeux, on croirait presque qu'elles sont heureuses, non. D'ici d'ailleurs du bout du monde, elles veulent quitter les marches sombres qu'elles ont gravi la peur au ventre et vivre enfin d'heures de cent. Oui, on parle d'elles et on les plaint. Vous comprenez, c'est pas très sain. Mais une fois seul dans la soirée, on est pressé de les trouver. Oh oui. Entre les hommes et le trottoir.